L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'étude détaillée de l'amas de galaxies jeunes le plus massif connu à ce jour vient d'être rendue publique lors de la 227e réunion de l'American Astronomical Society qui s'est tenue toute la semaine en Floride. L'amas IDCS J1426.5+3508 ou IDCS 1426, en raccourci, a une masse record d'environ 300 000 milliards de masses solaires, dont 90% de matière noire. IDCS 1426 se situe à une distance de près de 10 milliards d'années-lumière. L'univers n'était alors âgé que de 3,8 milliards d'années. C'est l'amas le plus massif jamais observé à cette époque cosmique. IDCS 1426 a d'abord été découvert grâce au télescope spatial Spitzer en infrarouge. Puis il a été scruté avec le télescope spatial Hubble ainsi qu'avec le télescope Keck hawaïen pour en déterminer la distance. Puis ce fut au tour du réseau du radiotélescope californien CARMA, Combined Array for Millimeter Wave Astronomy, d'apporter des données en ondes millimétriques indiquant une masse de l'amas gigantesque. Enfin, pour confirmer les multiples indices déjà engrangés, les astrophysiciens ont observé IDCS 1426 dans le domaine des rayons X, avec Chandra X-ray Observatory, l'autre télescope spatial star de la NASA. Chandra vient de confirmer la masse énorme de l'amas, 300 000 milliards de masses solaires, ainsi que l'existence d'une proportion de 90% de cette masse qui n'est pas de la matière ordinaire. Il contient ainsi l'équivalent de 3000 galaxies comme la nôtre. La présence d'un aussi gros amas de galaxies à cette époque de l'univers n'est pas sans poser quelques questions aux astrophysiciens. Mark Broadwin de l'Université du Missouri, qui a conduit cette étude, précise: étant l'une des structures les plus massives à se former dans l'univers, cet amas donne un challenge pour les théories qui tentent d'expliquer comment évoluent les amas et les galaxies. En effet, de par leur grande dimension, on estime généralement que ces structures doivent prendre plusieurs milliards d'années pour se former. Et Broadwin d'ajouter: nous arrivons vraiment aux limites de ce que nous comprenons avec cette découverte. La masse de l'amas a été déterminée par trois méthodes indépendantes. Tout d'abord par l'évaluation de la masse nécessaire pour assurer le confinement du gaz chaud au sein de l'amas observé en rayon X par Chandra. Ensuite par les traces laissées par le gaz sur le fond diffus cosmologique par l'effet Sunayev-Zeldovich. Et enfin par l'effet de lentille gravitationnelle produit par l'amas sur la lumière de galaxies situées en arrière-plan. D'autres amas de galaxies massifs avaient été découverts dans le passé, mais jamais avec une telle combinaison de masse et de jeunesse. Les astrophysiciens ont observé dans les images en rayon X la présence de zones d'émission beaucoup plus intenses vers le centre de l'amas, mais pas exactement au centre. Ils pensent que ce cœur plus dense pourrait être le résultat de la fusion avec un autre amas de galaxies qui aurait pu se passer 500 millions d'années auparavant. Michael McDonald du MIT, co-auteur de l'étude qui est publiée dans The Astrophysical Journal, estime que les fusions d'amas qui devaient être courantes à cette époque cosmique ont dû jouer un rôle important dans la formation accélérée de IDCS 1426. Même si elle ne remet pas en cause fondamentalement le modèle cosmologique, la découverte de cet amas ultra-massif dans l'univers âgé de moins de 4 milliards d'années devrait permettre aux astrophysiciens d'affiner grandement leur modèle décrivant l'évolution des plus grandes structures de l'univers. L'article de Mark Broadwin et ses collaborateurs Et sous presse, oui, il va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal, mais on peut le trouver en préprint sur le site de Archive, dont je mets le lien juste en bas de ce post. Il a pour titre ILSS J1426.5+3508, The Most Massive Galaxy Cluster at Z Superior to 1.5. Et oui, IDCS J1426, l'amas de galaxies le plus massif avec un redshift supérieur à 1,5. Restez bien à l'écoute sur le www, ça se passe là-haut, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur les plateformes podcloud.fr ainsi que sur iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner et vous pouvez même y laisser quelques commentaires et des appréciations, n'est-ce pas, si ça vous chante. Allez, à très bientôt et d'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !